Histoire d'une sonate par Amelia B. Edwards. Il y a quelques mois, je me trouvais à Bonn, la patrie de Beethoven. J'y rencontrais un vieux musicien qui avait connu intimement l'illustre compositeur. Et c'est de lui que je tiens l'anecdote suivante. Vous le savez, me dit-il, que Beethoven naquit dans une maison de la Rheingasse, la rue du Rhin. Mais à l'époque où je fis sa connaissance, il logeait au-dessus d'une humble petite échoppe près du Römerplatz, la place des Romains. Il était alors fort pauvre, si pauvre qu'il ne sortait que de nuit pour se promener à cause de l'état délabré de ses vêtements. Pourtant, il avait un piano, des plumes, du papier, de l'encre et quelques livres. Et malgré ses privations, il trouvait parfois un moment de bonheur. Il n'était pas encore sourd et pouvait jouir au moins de l'harmonie de ses propres compositions. Plus tard, il ne lui resta plus même cette consolation. Un soir d'hiver, j'entrai chez lui, car je voulais l'emmener à la promenade et le faire ensuite souper avec moi. Je le trouvai assis à la fenêtre au clair de lune, sans feu ni chandelle, la figure cachée dans ses mains et tout son corps grelottant de froid, car il gelait très fort. Je le tirai de son assoupissement, le persuadai de m'accompagner et l'exhortai à secouer sa tristesse. Il sortit avec moi. Mais il était sombre et désespéré ce soir-là, et il refusa tous mes encouragements. « Je hais le monde, » dit-il avec véhémence, « je me hais moi-même. Personne ne me comprend ni ne s'inquiète de moi. J'ai du génie et je suis traité comme un paria. J'ai un cœur et personne n'a aimé. Je voudrais que tout fût fini, et pour toujours. Je voudrais être couché tranquillement au fond du fleuve là-bas. Il y a des moments où j'ai peine à résister à la tentation de m'y jeter. » Et il me montrait le Rhin, le large Rhin, dont les flots glacés scintillaient au clair de lune. Je ne fis aucune réponse. Il était inutile de discuter avec Beethoven, et je le laissai continuer sur ce ton-là. Il ne s'arrêta que quand nous rentrâmes en ville, et alors il tomba dans un morne silence. Nous traversions une rue sombre et étroite, voisine de la porte de Koblenz. Tout à coup, il s'arrêta. « Chut !» fit-il. « Quel est ce bruit ?» Je prêtai l'oreille, et j'entendis les faibles accents d'un vieux clavecin venant de quelques maisons peu éloignées. C'était une mélodie plaintive à trois temps, et malgré l'ingratitude de l'instrument, l'exécutant donnait à ce morceau une grande tendresse d'expression. Beethoven me regarda, l'œil étincelant. « C'est tiré de ma symphonie en F !» dit-il. « Voici la maison. Écoutez, que c'est bien joué !» La maison était humble et petite. Une lumière brillait à travers les fentes des volets. Nous nous arrêtâmes pour écouter. L'exécutant continuait, et les deux phrases suivantes furent rendues avec la même fidélité, la même expression. Au milieu du final, il y eut une brusque interruption, un silence d'un moment, puis on entendit un sanglot étouffé. « Je ne puis continuer, » dit une voix de femme. « Je ne puis aller plus loin ce soir, Friedrich. Pourquoi, ma sœur ? Je sais à peine pourquoi. Si ce n'est parce que cela est si beau, que je me sens tout à fait incapable de le jouer dignement. » « Oh, que ne donnerais-je pas pour aller ce soir à Cologne ? Il y a un concert au Kaufhaus, et l'on y exécute toutes sortes de belles musiques. Ça doit être si beau, un concert. »« Ah, chère sœur, » dit Friedrich en soupirant, « il faut être riche pour se procurer ce plaisir. À quoi bon se forger des regrets là où il n'y a pas de remède ? C'est à peine si nous pouvons payer notre loyer. Pourquoi penser à des choses qui sont au-delà de notre portée ?»« Vous avez raison, Friedrich. » Et cependant, par moments, quand je joue, je désire entendre une fois dans ma vie de la bonne musique bien exécutée, mais c'est inutile, inutile. » Il y avait quelque chose de singulièrement touchant dans le ton et la répétition de ces derniers mots. Beethoven me regarda. « Entrons, » dit-il brusquement. « Entrez, » m'écriai-je. « Comment ? Pourquoi entrerions-nous ? » ?»« Je jouerai pour elle, » reprit-il avec vivacité. « Elle a du sentiment, du génie, de l'intelligence. Je jouerai pour elle, et elle m'appréciera. » Et avant que j'eusse pu le retenir, il avait la main sur la porte. Elle n'était que fermée au loquet et s'ouvrit aussitôt. Je le suivis donc à travers un sombre corridor vers une porte entrebâillée à droite. Il la poussa, et nous nous trouvâmes dans une chambre pauvre et nue, avec un petit poêle à un bout et quelques meubles grossiers. Un jeune homme pâle était assis à une table. Il travaillait à un soulier. Près de lui, accoudé mélancoliquement sur un antique clavecin, était une jeune fille sur la figure inclinée de laquelle retombait une profusion d'admirables cheveux blonds. Tous deux étaient proprement mais très pauvrement vêtus. Tous deux se levèrent en sursaut et se tournèrent vers nous quand nous entrâmes. « Pardonnez-moi, » dit Beethoven, assez embarrassé. « Pardonnez-moi, mais j'ai entendu de la musique et j'ai été tenté d'entrer. Je suis musicien. » La jeune fille rougit et le jeune homme prit un air sévère, presque irrité. « J'ai surpris quelques-unes de vos paroles, » continua mon ami. « Vous désirez entendre, c'est-à-dire vous aimeriez. Bref, voulez-vous que je vous joue un morceau ?» Il y avait quelque chose de si étrange, de si bizarre, de si brusque dans toute l'affaire, et quelque chose de si déplaisant et de si excentrique dans les manières de celui qui avait parlé, que la glace fut brisée en un moment et tous sourirent involontairement. « Je vous remercie, » dit le cordonnier, « mais notre clavecin est mauvais, et puis nous n'avons pas de musique. »« Pas de musique ?» répéta mon ami. « Comment donc la Fräulein ?» Il s'arrêta et rougit, car la jeune fille venait de se tourner vers lui, et à ses yeux tristes et voilés, il avait reconnu qu'elle était aveugle. « Je vous supplie de me pardonner, » balbutia-t-il, « mais je n'avais pas vu d'abord. Vous jouez donc de mémoire ?»« Tout à fait. » « Et où avez-vous entendu cette musique, puisque vous ne fréquentez pas les concerts ?»« J'entendais une dame qui était notre voisine, lorsque nous demeurions à Brühl, il y a 2 ans. Durant les soirées d'été, sa fenêtre était toujours ouverte et je me promenais devant la maison pour l'entendre. Et vous n'avez jamais entendu d'autre musique ?»« Jamais, si ce n'est la musique des rues. » Elle semblait intimidée. Aussi Beethoven n'ajouta pas un mot, mais il s'assit tranquillement au clavecin et se mit à jouer. Il n'eut pas plutôt attaqué les premières notes que je devinais ce qui allait suivre et combien il serait sublime ce soir-là. Et je ne me trompais pas. Jamais, jamais, pendant les années que je le connus intimement, je ne l'entendis jouer comme il joua pour la jeune aveugle et pour son frère. Jamais je n'entendis tant d'énergie, tant de tendresse passionnée, tant d'infinies gradations de mélodie et de modulation. Il était vraiment inspiré. Et du moment que ses doigts commencèrent à se promener sur le clavecin, les notes de l'instrument semblèrent s'adoucir et devenir plus égales. Nous restions assis, haletant, à l'écouter. Le frère et la sœur étaient muets d'étonnement et comme en extase. Le premier avait mis de côté son ouvrage. La seconde, la tête légèrement penchée en avant, s'était approchée de l'extrémité du clavecin, les deux mains serrées contre sa poitrine, comme si elle avait redouté que le battement de son cœur n'interrompît ses accents d'une si magique douceur. Il semblait que nous fussions tous la proie d'un rêve étrange, et que notre seule crainte fut de nous réveiller trop tôt. Soudain, la flamme de l'unique chandelle vacilla. La mèche, consumée jusqu'au bout, tomba et s'éteignit. Beethoven s'arrêta. J'ouvris les volets pour laisser entrer les rayons de la lune. Il faisait presque aussi clair qu'auparavant dans la chambre, et la clarté tombait plus vive sur le musicien et le clavecin. Mais cet accident semblait avoir brisé la chaîne des idées de Beethoven. Sa tête s'inclina sur sa poitrine, ses mains se posèrent sur ses genoux, il paraissait plongé dans une profonde méditation. Il resta ainsi quelque temps. À la fin, le jeune cordonnier se leva, s'approcha de lui et lui dit d'une voix basse et respectueuse « Ô m'étonnant, qui donc êtes-vous » Beethoven leva la tête et le regarda d'un air distrait, comme s'il n'avait pas compris le sens de ses paroles. Le cordonnier répéta sa question. Le compositeur sourit, comme lui seul savait sourire, avec une douceur et une bienveillance royale. « Écoutez, » dit-il, et il joua les premières mesures de la symphonie en F. Un cri de joie s'échappa des lèvres du frère et de la sœur. Ils la reconnaissaient et s'écrièrent « Vous êtes donc Beethoven ?» Ils couvrirent ses mains de baisers et de larmes. Il se leva pour partir, mais nos supplications parvinrent à le retenir. « Jouez-nous encore une fois, seulement encore une fois !» Il se laissa ramener à l'instrument. Les rayons de la lune entraient brillants par la fenêtre sans rideau et illuminaient son front massif et sévère. « Je vais improviser une sonate au clair de lune, » dit-il d'un air badin. Il contempla quelques moments le ciel parsemé d'étoiles, puis ses doigts se posèrent sur le clavier et il commença à jouer à un ton plus bas, mais infiniment aimable. L'harmonie sortait de l'instrument douce et égale, comme la clarté que la lune répand sur les ombres de la terre. Cette délicieuse ouverture fut suivie d'un morceau à 3 temps, vif, léger, capricieux, sorte d'intermède burlesque, comme une danse de follet à minuit sur le gazon. Puis vint un rapide agitato finale, un mouvement haletant, tremblant, précipité, décrivant la fuite et l'incertitude, une terreur vague et instinctive, qui nous emporta sur ses ailes frémissantes et nous laissa à la fin tout ému et surpris. « Adieu !» dit Beethoven brusquement, en repoussant sa chaise et se dirigeant vers la porte. « Adieu !»« Vous reviendrez ?» demandèrent-ils tous deux en même temps. Il s'arrêta et regarda la jeune aveugle d'un air de compassion, presque de tendresse. « Oui, oui, » répondit-il précipitamment. « Je reviendrai. Je donnerai à la Fräulein quelques leçons. Adieu, je reviendrai bientôt. » Ils nous suivirent jusqu'à la porte, dans un silence plus éloquent que les paroles, et restèrent debout sur le seuil jusqu'à ce qu'ils ne purent plus nous voir ni nous entendre. « Hâtons-nous de rentrer, » me dit Beethoven dans la rue. « Hâtons-nous, afin que je puisse noter cette sonate, tandis qu'elle est encore dans ma mémoire. » Nous rentrâmes et il resta à l'écrire jusque bien après le point du jour. Telle est l'histoire de cette sonate au clair de lune que nous aimons tant. J'écoutai encore le vieux musicien après qu'il eût cessé de parler. « Et Beethoven donna-t-il plus tard des leçons à la jeune aveugle ?» lui demandai-je enfin. Il sourit mélancoliquement, hochant la tête. « Beethoven ne remit jamais les pieds dans cette humble maison. » L'excitation passée, son intérêt pour l'aveugle passa aussi. Et quoique le frère et la sœur l'attendissent sans doute longtemps, il ne pensa plus à eux, si ce n'est peut-être quand ses regards venaient à tomber sur les pages de cette sonate. Et n'est-ce pas la règle ordinaire de la vie ? C'était « Histoire d'une sonate » par Amelia B. Edwards.